ma tante en Vénus. Depuis ce jour où j'embrassais Madame de B au beau milieu du cou alors qu'elle me tendait le front, il s'est glissé dans nos relations je ne sais quelle froideur coquette qui ne laisse pas que d'être assez agréable. La question du baiser n'a jamais été complètement élucidée. C'était à ma sortie de Saint-Cyr que cela se passait. J'étais plein d'ardeur et les fringales de mon cœur m'aveuglaient parfois. Je dis qu'elles m'aveuglaient et j'ai raison, car en vérité, il fallait avoir le diable au corps pour embrasser sa tante au cou comme je le fis ce jour-là. Mais passons. Ce n'est pas qu'elle n'en valut pas la peine. Peste, ma petite tantante, comme je l'appelais alors, était bien la plus jolie femme du monde, et coquette, et élégante, et un pied, et par-dessus tout, ce délicieux petit je-ne-sais-quoi qui est si fort à la mode maintenant et qui vous donne toujours envie d'aller trop loin. Non, quand je dis qu'il fallait avoir le diable au corps, c'est parce que je songe aux conséquences que ce baiser pouvait entraîner. Le général de B., son mari, se trouvant mon supérieur direct, ça pouvait m'attirer des histoires extrêmement désagréables. Et puis enfin, il y a le respect de la famille. Oh, je n'ai jamais transigé sur cet article-là. Mais je ne sais pas pourquoi je rappelle tous ces vieux souvenirs qui n'ont rien de commun avec ce que je veux vous raconter. Mon intention était simplement de vous dire que depuis mon retour du Mexique, je vais assez souvent chez Madame de B. Et peut-être bien faites-vous comme moi, car elle mène un assez grand train de maison, elle reçoit tous les lundis soirs et il y a généralement foule chez elle. On s'y amuse. Il n'y a pas de distraction qu'elle n'invente pour conserver sa réputation de femme à la mode. J'avoue cependant que je n'avais rien vu de pareil chez elle à ce que je vis lundi dernier. J'étais dans l'antichambre et le valet de chambre m'enlevait mon paletot lorsque Jean, s'approchant de moi avec une nuance de mystère, me dit « Monsieur, madame attend monsieur tout de suite dans sa chambre à coucher. Si monsieur veut passer par le corridor et frapper à la porte qui est au bout ?» On a beau revenir du bout du monde, ces phrases-là vous font quelque chose. La vieille histoire du baiser me revint malgré moi à l'esprit. Que pouvait me vouloir ma tante ? Je frappai discrètement à la porte et immédiatement j'entendis un bouquet d'éclats de rire contenu. « Pas encore ! Dans un instant !» criait une voix rieuse. « Mais je ne veux pas qu'on me voie dans cet état !» chuchotait une autre. « Mais si ! Mais non ! Vous êtes unique, ma belle, puisqu'il s'agit d'art. Ah ah ah ! » Et l'on riait, et l'on se ruait derrière cette maudite porte. Enfin, une voix dit « Entrez !» Je tournai le bouton. À première vue, je ne distinguais qu'un chaos confus, impossible à décrire, au milieu duquel se démenait ma tante, vêtue d'un maillot rose, vêtue superficiellement. Fort heureusement, une gracieuse guirlande de plantes marines en papier sauvegardait, çà et là, la pudeur. Elle me parut singulièrement engraissée, ma petite tantante, mais passons encore. Ses cheveux, dénoués et ondés, flottaient sur ses épaules, et Marie, sa femme de chambre, encore un bijou dont je vous dirai deux mots un de ces jours, agenouillée devant sa maîtresse, laçait sa bottine rose, effilée, en satin miroitant, et muni de talons extrêmement hauts et pointus. Les meubles, les tapis, la cheminée étaient encombrés et comme enfouis sous un amas sans nom. Des jupes de mousseline jetées à l'aventure, des dentelles, un casque en carton recouvert de papier doré, des écrins entr'ouverts, des nœuds de ruban, un maillot, trop étroit sans doute et déchiré en deux, des fers à friser perdus dans les cendres, de tous côtés des petits pots, des brosses à étaler le blanc, des débris de toutes sortes. Derrière deux paravents qui divisaient la chambre, j'entendais des chuchotements et le foufou particulier aux femmes qui s'habillent. Dans un coin, Sylvanie, l'illustre Sylvanie, encore revêtue de ce grand tablier blanc dont il s'affuble pour poudrer ses clientes, renfermait ses houppettes et abaissait ses manches d'un air satisfait. Je restais pétrifié. Que se passait-il chez ma tante ? Elle remarqua mon étonnement, car sans se détourner, elle me dit d'une voix un peu émue « Ah, c'est toi, Ernest !» Puis, en prenant son parti sans doute, elle éclata de rire à toute volée, comme les femmes qui ont de belles dents, et ajouta, d'un petit air conquérant, « Tu vois, nous jouons la comédie !» En disant cela, elle se détourna vers moi avec sa coiffure follement provocante et poudrée de rouge avec excès, son visage fardé comme celui d'une prêtresse antique, son regard noyé dans les longueurs artificielles, mais séductrices, du pencil japonais, son corsage souriant sous les trois brins d'herbe qui l'ombrageaient avec tact. Ses jambes, cette gaze, ce milieu tout odorant de parfums féminins, et derrière ses paravents, parbleu, je ne suis pas un enfant. Vous comprenez bien que j'ai dû voir des choses, étant capitaine de lanciers, et naturellement assez curieux. Mais je peux vous le dire, je n'ai jamais été aussi sérieusement intéressé que ce soir-là. Ce n'est pas en somme une chose si commune que de se trouver face à face avec les jambes de sa tante. Il faut, me disais-je, tout en examinant un peu, on est homme, il faut que les femmes du monde aient vraiment le diable au corps pour s'amuser de cette façon-là. Et quelle pièce allez-vous donc jouer, ma bonne tante, dans un costume aussi séduisant ? « Bonsoir, capitaine !» me cria une voix rieuse derrière le paravent de droite. « Nous vous attendons !» me dit une autre voix derrière le paravent de gauche. « Bonsoir, mesdames, à quoi puis-je vous être bon ?»« Mais ce n'est point une pièce que nous jouons !» fit ma tante en rapprochant d'une main pudique ses herbes marines. « Comme tu es en retard, mon bon ami, est-ce qu'on joue la comédie maintenant ? Ce n'est point une pièce, c'est un tableau vivant, le jugement de Paris. » Tu sais, le jugement de Paris. Je remplis le rôle de Vénus. Je ne voulais pas, mais ils m'ont tous persécuté. Donne-moi donc une épingle, sur la cheminée, à côté du sac de bonbons. Là, à gauche, à côté de l'écrin, près de la bouteille de Colfort, sur mon paroissien. Comment, tu ne vois pas ? Ah, c'est bien heureux. Enfin, on m'a mis le pistolet sur la gorge pour m'obliger à jouer Vénus. Comment, baronne, avec vos épaules, et vos bras, et vos mains, me disait-il. « Et patati, et patata, donne-moi donc encore une épingle. Ces herbes, ça ne tient à rien. Il est pourtant indispensable qu'elles tiennent un peu, ma petite tante. Parbleu, je vois bien. Tu me trouves un peu trop décolletée, n'est-ce pas ? J'étais sûre que tu me trouverais un peu décolletée. Je le leur ai dit. Mais que veux-tu ? C'est le rôle. Et puis enfin, c'est reçu maintenant ces choses-là. » Se retournant vers le paravent de droite. « Mignonne, passez-moi donc le rouge pour les lèvres. Le mien est d'une pâleur désolante. » Au coiffeur, qui se dirige vers la porte. « Dites-moi, Sylvanie, allez trouver ces messieurs qui s'habillent dans le billard et dans le cabinet du baron. Ils ont peut-être besoin de vous. Madame de S et ses filles sont dans le boudoir, vous savez. Assachez donc si monsieur de V a retrouvé sa pomme. C'est lui qui fait Paris, » ajouta ma tante en se retournant vers moi. « Cette pomme ne peut pas être perdue. » « Eh bien, ma belle, et ce rouge que je vous demande ? Passez-le au capitaine, par-dessus le paravent. »« Voilà le rouge, mais dépêchez-vous, capitaine. Ma cuirasse craque quand je lève le bras. » J'aperçus en effet au-dessus du paravent deux doigts effilés dont l'un, couvert de bagues étincelantes, tenait en l'air un petit pot sans couvercle. « Comment votre cuirasse craque, marquise ? Oh, ça ira. Prenez vite, capitaine. » « Ça va vous paraître drôle, mais je tremble comme la feuille, » s'écria ma tante. « J'ai peur de me trouver mal. Entendez-vous ces messieurs qui s'habillent à côté dans le cabinet ? Quel bruit ! Ah ah ah ! C'est adorable ! Une vraie bande de cabotins ! C'est enivrant, savez-vous, cette existence de coulisses, cette vie fiévreuse. Mais pour l'amour du bon Dieu, fermez donc la porte, Marie. J'ai dans les jambes un courant d'air affreux. Cette lutte de chaque instant avec le public... Ces sifflets, ces bravos me rendraient folle avec ma nature impressionnable, je me connais. Le vieux baiser me revint en mémoire et je me dis, « Capitaine, tu as méconnu la nature de ta parente. » « Mais il ne s'agit pas de tout cela, » continua ma tante. « Voilà que 10 heures sonnent. Mon petit Ernest, est-ce que tu sais étaler le blanc liquide ? Comme tu es un peu mauvais sujet. »« Un peu, ah ah !» fit-on derrière le paravent. Enfin, poursuivit la baronne, ce serait bien extraordinaire si dans tes campagnes tu n'avais pas vu étaler du blanc liquide. Oui, en effet, chère tante, j'ai des données sur le blanc liquide, j'ai des données. Et en recueillant mes souvenirs, est-ce vrai, capitaine, que cela donne des rhumatismes ? Mais non, je vous jure, faites mettre 2 bûches au feu et donnez-moi ce qu'il faut. Ce disant, je retroussai mes manches et versai dans un petit vase en onyx qui se trouvait là le lait de la beauté. puis j'y trompai une petite éponge et je m'approchai de ma tante Vénus en souriant. « Tu m'assures que cette drogue n'a point d'action sur la peau. Je n'ose pas, en vérité. » Et en disant cela, elle minaudait comme une rosière qui va être couronnée. « C'est la première fois, sais-tu, que je mets ce blanc liquide. Ah, mon Dieu, que je suis enfant! Je suis toute tremblante !»« Mais, ma belle, vous êtes folle !» s'écria la dame du paravent en éclatant de rire. « Quand on joue la comédie, il faut se soumettre aux exigences de la rampe. »« Vous entendez, ma bonne petite tante. Voyons, livrez-moi votre bras. » Elle me tendit son gros bras rond sur la surface duquel s'étalait ce duvet léger, adorable, symbole de la maturité. Je posai l'éponge humide. « Ah là là !» s'écria la baronne. « Mais c'est une glace, bourreau, une vraie douche, et tu vas me promener cela sur le corps ?»« Pas absolument partout, ma bonne tante. Je trouve votre partout singulièrement insolent, mon cher. Vous savez qu'on a besoin de vous, et vous en abusez. Dis donc, mon petit Ernest, est-ce que c'est du blanc pour la lumière que tu étales sur mon pauvre satin ? Tu ne te trompes pas, au moins. Ah, Seigneur ! Dans le dos, c'est horrible. Ah, sapristi, ah, sapristi. Les hommes sont-ils heureux de pouvoir jurer à leur aise ? Marie, du feu, mon enfant, du feu. Et ça va être le diable à sécher. C'est très long à sécher, ta médecine, n'est-ce pas, mon petit capitaine ? Un petit quart d'heure, pas plus. Et puis ensuite, nous brosserons avec une brosse bien douce. Quand on est franc, on n'est pas franc à demi. Je vais donc vous confier une chose. Vous croyez sans doute que, voyant la baronne se démenant et poussant les hauts cris, je me hâtais d'étaler ce blanc glacé. Eh bien, pas du tout. Je travaillais avec une lenteur pleine de ruses et de dissimulation. Je promenais mon éponge sur les vallons et les collines avec une délicatesse et un soin de gourmet, et comme un homme qui a dans la bouche un morceau d'aile de faisan truffé, je dégustais la chose et je me disais « Capitaine, profite de l'occasion et fais une bonne fois connaissance avec la plus belle fraction de ta famille. » À chaque frisson causé par le froid, les herbes marines s'écartaient d'un mouvement brusque, le maillot s'entrebâillait avec langueur et les lois de la perspective, surprises à l'improviste, me révélaient des merveilles. Ce fut ce soir-là, je m'en souviens, que cette question du modelé dans le clair-obscur m'apparut dans toute sa netteté. Mais pour la troisième fois, passons. À ce moment, on frappa à la porte du cabinet et instinctivement je détournai la tête. « Qu'est-ce qu'il y a ? Jésus ! Mais c'est un fleuve ! » s'écria la baronne. « On n'entre pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'avez-vous, ma chère tante ? N'entrez pas ! » s'écria-t-on derrière le paravent. « Ma cuirasse a craqué ! « Marie, Rosine, des épingles, des aiguilles, la colle-forte !»« Parbleu, c'est un fleuve dans mon dos, ton affreux blanc coule !» poursuivit la baronne hors d'elle-même. « Je m'en vais essuyer cela, je suis désolée, vraiment désolée. »« Tu crois que tu vas pouvoir entrer ta main dans mon dos ? Il est unique, mon neveu. »« Et pourquoi pas, ma tante ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Parce que là, où il y a place pour une goutte d'eau, il n'y a pas place pour la main d'un lancier. »« Vous êtes donc trop serré ?» « Non, je ne suis pas trop serré. Vous êtes inconvenant, Ernest, avec votre main dans le dos. Enfin, vous êtes extrêmement serré, et c'est ce que je voulais dire. Extrêmement ne veut pas dire trop, mais achevez de me farder, je vous prie. » On frappa de nouveau à la porte du cabinet, et je reconnus la voix flûtée de M. de V qui disait « Je suis désolé, baronne, de vous déranger, mais c'est que… On n'entre pas » cria-t-on de toutes parts. « Je ne veux point entrer, malgré le désir que je pourrais en avoir. » Mais c'est que Raoul a un urgent besoin de bleu myosotis. Le bleu myosotis, baronne. On vous le donnera. Ernest, ça va encore couler. On vous le fera porter. C'est très bien. À voix basse. Il est assommant, cet être-là. Ce n'est pas tout, chère baronne. Quoi encore? Dépêchez-vous, mon blanc sèche. Je ne peux pas bouger. C'est ma pomme. Je ne sais pas où elle est. Ne l'auriez-vous pas? Sa pomme? Sa pomme? Est-ce que je l'ai, sa pomme? Ah, et puis monsieur de Saint-Pé a cassé son trident et a déchiré son maillot. Est-ce que vous ne pourriez pas envoyer une femme de chambre ? Vous vous imaginez que mes femmes de chambre sont filles à aller recoudre ces messieurs ? Je vous trouve encore singulier. Rassurez-vous, baronne, la déchirure est au bras. C'est le trident en se brisant qui… C'est bien, je vais envoyer Rosine. C'est une fille sûre. Dis donc, Ernest, tu vas me brosser, mon ami, n'est-ce pas ? Je suis littéralement gelée. Il est étonnant avec son trident, il ne paraît qu'au troisième tableau, dans Vénus sortant de l'onde. » On frappa encore à la porte, mais à la porte du corridor. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Les torches de madame viennent d'arriver, » dit un valet de chambre. « Madame la baronne veut-elle qu'on les allume ?»« Ah, les torches de mademoiselle de N, qui s'habille dans le boudoir. Non, certes, ne les allumez pas, on n'en a besoin qu'au second tableau. » « Ne bougez pas, ma bonne tante, je vous en conjure. Ces demoiselles de haine figurent donc aussi ? Mais oui, avec leur mère, elles représentent les lumières de la foi poursuivant l'incrédulité. Et alors, elles ont tout naturellement des torches. Tu sais, ce sont des tuyaux en fer blanc avec de l'esprit de vin qui flambe. Ce sera peut-être le plus joli tableau de la soirée. C'est une gracieuseté indirecte que nous adressons au neveu de Monseigneur. Tu sais, ce jeune homme frisé, brun, des yeux angéliques, tu l'as vu lundi dernier. C'est un monsignor fort bien en cour, il comptait di Geloni. Il a bien voulu venir ici ce soir, et alors Monsieur de P a eu l'idée d'organiser cette allégorie. Il a une imagination intarissable, ce Monsieur de P, et a un goût, s'il ne cassait pas ses accessoires. N'est-il pas par-dessus le marché, chevalier de Saint-Grégoire ? Oui, un peu, et entre nous, je crois qu'il ne serait pas fâché de passer officier. Ah, je comprends les lumières de la foi poursuivant, etc. Mais dites-moi donc, petite tante, je ne vous brosse pas trop fort. Levez un peu le bras, je vous prie. Dites-moi donc qui est-ce qui se chargera du rôle de l'incrédulité ? Ne m'en parlez pas, ça a été toute une histoire. Justement, la distribution des rôles se trouvait être précisément le soir où on a publié l'encyclique de sa sainteté. En sorte que ces messieurs étaient animés. Monsieur de Saint-Pé l'a pris de très haut, mais de très haut. J'ai vu le moment où le général allait sortir de ses gonds. Enfin bref, personne n'a voulu de l'incrédulité, et j'ai été obligé d'avoir recours au cocher du général. À John, tu le connais bien, il est fort beau garçon, et d'ailleurs il est protestant, je crois, de sorte que ce rôle-là ne le sort pas de ses habitudes. Ça ne fait rien, c'est désagréable pour ces dames de haine de figurer à côté d'un valet. « Oh, voyons, il ne faut pas pousser trop loin les scrupules. Ce garçon est barbouillé de noix, couché à plat ventre, et ces trois dames ont le pied sur sa tête. Tu vois que les convenances sont sauvegardées. Voyons, as-tu fini, mon ami ? Ma coiffure est assez réussie, n'est-ce pas ? Il n'y a que Sylvanie pour poudrer. Il voulait me teindre en rouge, mais ma foi, j'attends que ce rouge pénètre un peu dans notre monde. Je suis tout de même un peu déshabillée, mais enfin, les herbes sauvent tout. » « Certainement, ma bonne tante, certainement. Voilà qui est fini. Allez-vous tarder à entrer en scène ? Mais non, mon Dieu, il est près de 11 heures. Je suis troublée comme une enfant. L'idée que je vais paraître devant tout ce monde, les fleurs qui tombent de ma coiffure, n'engoncent-elles pas mon cou, mon petit Ernest ? Veux-tu les relever un peu ?» Puis, s'approchant de la porte du cabinet, elle frappa deux petits coups et dit « Vous êtes prêt, monsieur de V ?»« Oui, baronne. » J'ai retrouvé ma pomme, mais je suis extrêmement émue. Minerve et Junon sont-elles habillées ? Oh, mais une émotion dont vous n'avez pas idée. Oui, oui, tout le monde est prêt. Qu'on prévienne au salon. Mon pauvre cœur bat à tout rompre, mon capitaine. Prenez-y garde, ma petite tante. On le voit.